ぞ。 Vie d'un sac rempli de cages, mon pied sont trop longs pour faire un demi. T'assieds jamais sur nos sièges, c'était ni mon ami ni mon ennemi. Je les gagne, je les tège, dis-moi quelle devise a pris mon âme. Dans tes yeux j'ai vu la flamme, je fais un disque et je l'éteins. Elle sait qu'on finit dans le sang, je lui fais des bisous pour la rassurer. La rue j'ai une vue d'ensemble, elle sait qu'on y a tous un intérêt. Tu peux diger dans le lit, les clients du soir à la matinée. On prend, on voit, on s'enlise. Un Glock, on fait pas des sports combinés. Tu vas plus chanter si je ferme les robinets. Je crois que c'est le moment de vendre ta Audemars demain. 44 dans mon régular. On mange à la carte et je l'ai aussi au dîner. T'as spécial, elle sait tout ce que j'ai mis. Je suis un scélérat. Et t'es né le night. Je suis venu voir et j'ai vu, je vais. On a pris des loves et on est parti arrière. Hey, mon caisson trop long pour faire un demi. Un refaitement, j'arrive ma cierge. La crise et la faim, on y remédie. Je les ken et je les tège. Dis-moi quelle bouteille a pris mon âme. J'ai vu la vie dans un BM. Je vais tourner les bouffes éteintes. Le but c'est rester longtemps. Je crois qu'on a des métaux pour s'en assurer. Je suis absent, mais j'ai toujours mis ce pied sur ton terrain. Un regard on dit sans dire. Un mot entre deux spits tout peut basculer. Un toast à ta santé. Une cave tu sais qu'à quelques mots. On va fermer la pharmacie, on sort. Je mets qu'un bar au fond. Et puis les pieds pleuvent. Après le bruit des armes, t'es solo. Au mauvais endroit, au mauvais moment. Amis vont ok low, on fait des fric, no love. Qu'on va fermer la pharmacie, on sort. Les pieds ont grandi, c'est normal. Mon caisson trop long pour faire un demi. Tu pars avec une chatte à l'opinel. J'te jure tu vas aimer la sodomie. Coffre fort rempli de fraîche. Dommage collatéraux pour les compromis. Tu peux prendre trop bifton à chaque âge. Au pied d'un ascenseur qui sent le vomi. J'y écris depuis petit. Les voyous dont tu parles ils ont perdu noir. Le rap c'est un jeu d'échecs. Et les fous sont toujours au plus près du roi. Le même à chaque saison. Rire en vélo ou pleurer dans une Enzo. Ma raison a ses raisons. Qui veut fumer la ville aux 300 réseaux. En premier ils ont vu la lumière. En dernier ils verront un high. Personne sait ce qu'il y a dans ces garages. Car en Alaska, ville au Sahara. Un flash et un bord et un intégral. Municipaux pour des fédéraux. Petite salope pour des grands messieurs. Politiciens pour des vrais héros. La gifle est trop loin pour faire un demi. Un terrain la frappe aussi le semi. Je tombe le baveux c'est un tatami. Micro MMS et je la fais attendre. J'ai confiance mais je vais recompter. Les mots valent mieux qu'un bordel sur la tempe. Mais je vais pas m'en persuader. T'es beaucoup trop bon pour être un ami. Beaucoup trop con pour pouvoir me faire. Mon caisson 8 mètres de long 19. Une cave et tu sais qu'à pire que mourir. T'assieds jamais sur mon siège. C'était ni mon ami ni mon ennemi. On va fermer la pharmacie, on sort. Je mets qu'un bas au fond. Et puis les pieds pleuvent. Après le bruit des armes, t'es solo. Au mauvais endroit, au mauvais moment. Amis vont pas, t'es pas au kilo. On fait des fric, no love. Qu'on va fermer la pharmacie, on sort. Les pieds ont grandi, c'est normal.